De ce voyage, je reviens l'âme joyeuse, entendant l'oiseau chanter ici, jamais la même mélodie, dans tes yeux le miroir de mon être apparaît, et le reflet des multiplicités dans la grande âme vient apporter sa lumière en un éclair, comme une offrande au monde. Mot à mot, les mots disent, ou écrivent des histoires sans parole. Je prends ta main, tu prends la mienne, et nous fleurissons sur le chemin des virtualités. Jour après jour, nuit après nuit, comme les belles endormies d'un moteur du soleil levant. De ce voyage, dénué de matérialité, un plein de choses attendues vient, et le quotidien, désormais enrichi de ce parfum, va et vient comme un refrain dans l'espace dont faisons vivre.